L'horloge. Horloge. Dieu sinistre. Effrayant. Impassible. Dont le doigt me menace et me dit « Souviens-toi. » Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Il est trop tard.